n'écrira pas de chansons, mais te criera des slogans. Il te fera l'amour en hurlant, mort au con, mort à l'argent. Un mec qui tape sur les riches, qui porte du Dolce Gabbana. Un faux anticapitaliste, on n'en trouverait pas deux comme ça. Il te fait croire que la vie n'est juste bonne qu'à dire non. Tu me quittes ma chérie, pour le roi de tous les cons. Il t'a promis des vacances, il t'emmènera en randonnée. Sous les banderoles, sur les pavés, vous casserez de l'UMP. Tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait? T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait? Il est beau, il est viril, il en a dans la culotte. Avec ma chanson débile, j'ai l'air d'une belle petite fiotte. Mais un beau jour, t'en auras marre de cette bande de fripouilles qui hurlent dans leur mégaphone pour compenser leur manque de couilles. J'espère juste que la misère de ce militant du pire n'assombrira pas tes yeux, n'éteindra pas tes sourires. Et peut-être que si tu l'aimes, tu le changeras pour de bon. On le verra dans une semaine, j'ai rendu une boutique de bonbons. T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait? T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait ?